enfoiré a pu trouver son point de fuite. L'évidence de sa beauté nous a mis d'accord tout de suite. À sa façon de se poser, tu peux voir que la vie le berce bien au-dessus de ta portée. Quand soudain il te perce avec ce regard qui affole, qui semble dire il faut y croire. Parmi la foule qui s'abandonne, peut-être que tu pourrais m'avoir. Il est assis impassible, indécent et disponible. Indécent et disponible. Qu'il refuse une cigarette pour qu'on se relaie en cuisine pour aller fumer en cachette. Est-ce la peine de se pâmer? La concurrence est déloyale. L'outrecuidance surannée, la transe absurde bacchanal. Toute la panoplie est sortie. La parade sera sombre errance. Aimant si peut être séduit, ils s'amusent de leur déchéance. Il est assis impassible, indécent et disponible. Indécent et disponible. Tiens à bout de toi, guetté avec concupiscence, te sera donné sans émoi, réalisant tes espérances. Il restera interdit, gardant les perdants sous hypnose, ses prétendantes encore groggies, ses concurrents qui se nécrosent. Ce soir je sais pas de tendresse, juste l'urgence d'un désir, à consommer dans l'allégresse, le soleil de son déplaisir. Il restera impassible, indécent et disponible.